Radio à vous l'été. La voix de la résistance du peuple togolais. La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio à vous l'été. La voix du peuple, une émission du peuple par le peuple. Le peuple s'exprime à travers des interviews, analyses et débats sur l'actualité politique et le développement du Togo. La Voix du Peuple, une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos et ses collaborateurs dans la diaspora et dans plusieurs villes du Togo. La Voix du Peuple. Fidèles auditeurs et internautes, bonjour, bonsoir à vous toutes et à vous tous et merci d'être fidèles à nos programmes sur Radio à vous l'été, la radio de la résistance du peuple togolais. Nous sommes dans l'émission La Voix du Peuple et nous recevons pour vous Monsieur Sengane Senghor. Il est l'un des responsables de la RADO. La RADO, c'est bien sûr la rencontre africaine des droits de l'homme. Nous nous sommes rencontrés à Dakar puisque cette association ou cette organisation, si vous voulez, la RADO et le mouvement Yanamar ont eu à parrainer les assises de la coalition de la diaspora pour l'alternance et la démocratie Kodi Togo tenues à Dakar les 2, 3 et 4 mars dernier. Nous recevons donc Monsieur Senghor Sengane pour échanger avec lui sur les sujets concernant le Togo, sur la situation qui prévaut dans notre cher pays, le Togo. Ce que la société civile peut apporter, ce que Kodi Togo peut apporter en tant qu'organisation de la société civile et comment et en quoi le peuple togolais peut compter sur la RADO et le mouvement Yanamar pour qu'ensemble les Africains puissent contribuer à délivrer le Togo du joug de la dictature cinquantenaire. Alors, Monsieur Sengane Senghor, bonjour. Nos auditeurs voudraient bien vous connaître. Bonjour, auditeurs de Radio à vous l'été. Je me présente d'abord, je m'appelle Sengane Senghor, je suis juriste de formation et je suis chef de département paix et sécurité humaine d'une organisation de défense des droits de l'homme qui s'appelle Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme. Et comme vous venez de le dire, je commencerai d'abord par saluer vos auditeurs. Et voilà, je crois que les auditeurs ont déjà une idée sur notre invité et peuvent déjà imaginer sa carrure et donc l'expérience que l'homme a dans son escarcelle pour donc permettre à la société civile togolaise de voir ce qui ne se voyait pas hier et de savoir comment s'organiser pour délivrer le peuple togolais. Alors, Monsieur Sengane Senghor, les 2, 3 et 4 mars dernier, votre organisation, la RADO, a parrainé les assises de la coalition de la diaspora pour l'alternance et la démocratie Kodi Togo tenue à Dakar. Dites-nous, pourquoi avez-vous senti la nécessité de parrainer ces assises de la diaspora togolaise à Dakar? Nous avons accepté de parrainer ces assises parce que pour nous, l'Afrique est un tout. Quand le Togo ne marche pas, les autres pays ne marcheront pas. Et vous l'avez certainement noté, notre organisation est une organisation à vocation africaine. Nous pensons que la marche de l'Afrique, en général et en particulier de la sous-région CEDEAO, se fera de manière uniforme. Nous le ferons ensemble. Et c'est pourquoi pour nous, tout ce qui touche le Togo, touche le Sénégal et touche les autres pays. La deuxième chose, c'est que le Togo ne peut pas continuer comme ça à être dirigé par une seule famille depuis 50 ans. Parce que la démocratie est une exigence de la bonne gouvernance. Et pour qu'il y ait démocratie, un des signes qui permettent de reconnaître une démocratie, c'est l'alternance au pouvoir. Kodi Togo étant une organisation de la société civile, c'est ce que nous avons toujours considéré et les assises l'ont confirmé. Nous avons pensé devoir les accueillir, discuter avec eux, collaborer avec eux en vue de l'édification d'un Togo meilleur, d'un Togo démocratique, d'un Togo transparent où régnera la paix et la prospérité. Et ça ne s'arrête pas là. En plus d'avoir accueilli les assises, nous sommes prêts à cheminer ensemble et mettre la main dans la pâte avec vous pour que tout réussisse. Maintenant, dites-nous comment se sont déroulés les travaux et que peut-on retenir de ces assises? Les travaux se sont bien déroulés. Vous l'avez noté vous-même parce que vous y étiez. On a travaillé durement, âprement, mais dans la cordialité et dans une bonne entente pendant 3 jours. Et les résultats ont suivi. Parce que le plus important a été fait. Dès le début, quand je vous ai écouté, j'ai compris que les gens que j'ai souvent eu par WhatsApp ou par mail, c'est des gens qui ne se connaissaient même pas. Qui ne se connaissaient peut-être qu'à travers les réseaux sociaux. D'abord, la rencontre a permis de réunir ces gens-là, que chacun connaisse l'autre. Mais ensuite, et c'est ça le plus important, de coordonner les actions en mettant en place un conseil supérieur. C'est extrêmement important et le bureau a été élu devant moi, démocratiquement, avec vraiment toute la forme que doit avoir une élection de ce genre. Et je dois aussi le dire, parce que je l'ai dit d'ailleurs dans mon discours final, j'ai rencontré des gens bien, j'ai rencontré des gens d'un excellent niveau intellectuel, j'ai été d'être surpris, je ne savais pas que la diaspora togolaise était si riche, mais vraiment j'ai été séduit par les idées, par le comportement républicain que j'ai vu, et pour ça je vous en félicite. Et comme je dis, ce n'est que le début du commencement, parce que il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire ensemble dans l'édification d'une démocratie forte. L'exemple du Sénégal est là, nous l'avons vécu. Et nous avons été un pionnier au Sénégal parce que depuis 1990, nous y travaillons. Nous avons de l'expérience, nous avons fait certains pays en matière d'élection et de démocratisation. Et sur ça, nous sommes prêts à travailler, à collaborer avec le Togo. Et ce qui m'a surtout aussi plu, c'est que tout s'est fait dans une parfaite entente, mais dans la paix et la sérénité. Les gens que j'ai rencontrés ne sont pas des gens violents. Parce que tout le temps que nous avons discuté, l'essentiel a été mis sur l'intérêt de l'avenir du Togo. Et si c'est possible, il vaut mieux arriver à l'alternance dans la paix. Je dis bien si c'est possible. Monsieur Sengane Senghor, avez-vous rencontré des difficultés? Si oui, lesquelles? Puisque nous savons que dans une telle organisation, il y aura forcément des formalités à remplir sur le plan administratif, si je me réfère bien sûr au contexte de notre cher pays, le Togo. Alors chez vous au Sénégal, dans le parrainage de ces assises, avez-vous rencontré des difficultés? Si oui, lesquelles? Non, en vérité, nous n'avons pas rencontré de difficultés. D'ailleurs, aucune difficulté, parce que la rencontre s'est tenue dans un hôtel qui est un lieu privé. Donc, dans les principes, il n'y a même pas besoin de demander une autorisation administrative pour une réunion de ce genre. La police s'est intéressée à ce que nous faisions et nous les avons invités. Ils sont venus assister. Ils ont suivi les travaux avec nous pendant 3 jours. Et c'est pourquoi tout s'est vraiment déroulé dans un bon climat. Il n'y a eu aucun problème. Selon vous, Monsieur Sengane Senghor, Kodi Togo peut-elle constituer une solution à cette interminable crise sociopolitique qui secoue le Togo? Bien sûr, Kodi Togo peut bel et bien être la solution au problème. Vous savez, dans ce genre de situation, il est important d'avoir une société civile structurée. D'abord, pour pouvoir jouer un peu le tampon ou les arbitres entre les politiques. Mais deuxièmement, une société civile forte est toujours bien pour un pays parce que la vocation de l'homme de la société civile et celle de l'homme politique ne sont pas les mêmes. Maintenant, il peut arriver que dans l'histoire, qu'il y ait le besoin de réunir les deux forces. Et le plus souvent, la société civile s'approche de l'opposition. Mais quand le but est atteint, chacun se démarque et retourne à sa place. Dans le fond du problème, quand on regarde bien, ce n'est pas ça. En réalité, ce qu'il y a, c'est juste se donner la main pour remettre certaines pendules à l'heure et chacun retourne à son coin et continue son travail. C'est un peu ça. Et je pense que Kodi Togo vient trouver d'autres sur le terrain de la lutte, mais c'est bien, c'est extrêmement bien parce que ça renforce les hommes qui sont sur le terrain, mais c'est des gens qui viennent aussi avec de nouvelles idées, surtout avec la qualité des hommes que j'ai vus dans Côte du Togo. L'autre chose, et ça c'est mon avis à moi, moi je pense que Côte du Togo doit être à la table de négociation parce qu'il faut une société civile forte qui va arbitrer entre le pouvoir et l'opposition et souvent se positionner comme alternative. Ça donne même de la crédibilité au dialogue. On vous a bien compris. Maintenant, dites-nous, durant les travaux des assises, il a été question d'expliquer aux médias sénégalais les contours de la situation qui prévaut au Togo. Peut-on aujourd'hui dire avec assurance que la presse sénégalaise appréhende avec exactitude la situation complexe du Togo, puisque nous suivons des émissions sur les médias d'autres pays où des gens racontent des choses qui ne tiennent pas. Donc, on a compris que la situation du Togo n'est pas compris par endroit. Oui, il a été question d'expliquer à la presse sénégalaise la situation du Togo. Pour ceux qui ne savaient pas, parce que je sais que tous les grands journalistes sénégalais suivent bien la crise du Togo, parce que ici, nous avons des médias, les radios, les journaux et en tout cas une certaine presse qui dispose de pages internationales, même les télévisions. Et c'est ce qui fait que la question du Togo revient très souvent. Donc les gens connaissent peut-être dans les généralités, mais dans le fond, les gens ne pourront connaître que si des actions, que si une certaine communication est menée à partir du Sénégal. Et c'est pourquoi il serait important que tous vos responsables qui seront de passage à Dakar essayent de voir ou essayent avec nous de voir ce qui peut être fait avec les médias pour parler à nos autorités, parler aussi au peuple sénégalais de la situation. Parce que si dans certaines de nos radios, les médias en général, des émissions sont diffusées sur le Togo, la crise, et même l'histoire du Togo, parce que beaucoup de gens ici ne connaissent pas l'histoire du Togo, ne savent pas forcément que la famille Eyadema est au pouvoir depuis 50 ans. Ça, il faut l'expliquer. Donc, il y a une communication à faire sur ce plan. Et même vous, parce que la presse qui travaille avec Côte du Togo gagnerait, par exemple, à nouer des relations avec la presse sénégalaise de façon à pouvoir faire passer certaines informations et à échanger sur certains points. Ce serait extrêmement important. Et je pense que c'est en vulgarisant comme ça les choses que l'on arrivera à conscientiser le peuple sénégalais et le peuple même de la sous-région. Parce que sans le Togo, nous ne pouvons pas bâtir une bonne CEDEAO. C'est en réalité ça, parce que le problème, c'est un problème de communauté. Et ce qu'il faut dire, nos peuples en général sont en avance sur nos dirigeants. Parce que les dirigeants ne voient que la question du pouvoir, s'agrippent au pouvoir et souvent sont prêts à tout casser pour ne pas quitter le pouvoir. Alors que le brassage, une certaine relation ou même les frontières que nous avons aujourd'hui, ce n'est rien d'autre que des frontières qui sont tracées par le colonisateur, qui ne nous lient pas forcément. Parce qu'un petit pays comme le Togo ne se développera pas seul. Un petit pays comme le Sénégal ne se développera pas seul. Ça, essayons de le comprendre et d'essayer de créer une jonction entre les peuples afin de créer une synergie et de trouver des solutions holistiques parce que la solution ne viendra pas d'un seul côté. C'est un peu ce que nous pouvons dire sur la question. Ok. Votre parrainage est-il limité aux assises ou bien il y aura d'autres actions à mener aux côtés de Kodi Togo? Bien sûr que d'autres actions peuvent être menées du côté de Côte du Togo. Nous sommes à l'écoute et ça, c'est valable pour nous, c'est valable pour Yanamar et c'est valable même pour d'autres organisations de la société civile sénégalaise que nous pouvons contacter. Parce que sur bien des questions, nous pouvons aller ensemble et créer la synergie pour trouver une solution. Il suffira juste de les conscientiser et de les mettre dans la chose. Mais là aussi, nous sommes à votre écoute parce que nous appuyons. C'est à Côte du Togo de nous dire voilà ce que nous voulons. Si nous sommes aussi invités dans la réflexion, nous dirons ce que nous pensons en fonction de notre expérience. et nous verrons quelles actions pouvons-nous définir ensemble. Et pourquoi pas mener un plaidoyer ensemble fort en direction des autorités de la CEDEAO, en direction des autorités de l'Union africaine et même de l'ONU et des présidents de la sous-région. Sur toutes ces questions, nous sommes prêts à cheminer ensemble. Donc nous attendons, nous n'écoutons que le feu vert de Côte d'Itogo. Parce que pour ne pas aussi aller plus vite que vous, il nous faut écouter et attendre que vous définissiez les voies à suivre. Maintenant, sur les stratégies, on peut discuter, même sur la faisabilité et la pertinence de certaines actions. Si vous voulez bien nos avis, nous pouvons participer et vous dire que voilà nous comment nous appréhendons la question. On va réfléchir ensemble et trouver les solutions ensemble. Parce que si on cherche, on trouvera. C'est ça, moi, ma certitude. Vous avez bien fait de dire plus haut que les contests diffèrent. Alors, au Togo, la société civile est sous l'emprise d'une autocratie qui empêche la pleine exécution de ses activités. Quelles sont vos expériences en la matière et comment avez-vous procédé pour avoir une assise confortable au Sénégal? Puisqu'au Sénégal, on a vu tout ce que la RADO et le mouvement Yanamar ont pu faire lorsqu'il s'agissait bien sûr d'empêcher le président Abdoulaye Wade de briguer un mandat de trop ou de manipuler ou tripatuer la Constitution. En fait, dans cette affaire, Rodrigue, il n'y a pas de secret. Tout est rapport de force entre la société civile et l'État. Et cela est valable dans tous les pays. Vous pensez que si les États occidentaux avaient la possibilité de dompter leur société civile, ils n'allaient pas le faire? Mais ils allaient le faire. Les politiques sont un peu comme ça. Mais c'est quoi en réalité? Il vous faut vous organiser pour être ensemble avec le peuple parce qu'aucun pouvoir ne peut vaincre le peuple. Tout pouvoir qui va à l'encontre du peuple finira par être défait un jour ou l'autre. Le fond du problème, c'est ça. Mais il n'y a pas de secret. Même chez nous, ça a été le cas. Malgré l'histoire que nous avons, mais en 2012, je sais que vous êtes au courant, nous nous sommes battus dans la rue avec les gens là pour que Abdoulaye Wade recule. D'abord pour la modification de la Constitution, ensuite même pour sa candidature. Il s'est endetté, la loi était avec lui, mais au finish, quand on est arrivé aux élections, les Sénégalais même, le peuple avait fini par comprendre que pour avoir la paix, il faut le sanctionner par les urnes et le faire sortir. En grande partie, c'est par ça qu'il a été battu. Et ça a été un travail de fond de la société civile. Au niveau des médias, dans les quartiers, dans les meetings et un peu partout. Mais la logique dans tous les États et dans nos États, c'est un peu ça. C'est pourquoi je vous encourage à vous organiser. Et aussi dire que parce que nous aussi, nous avons mené la bataille un peu partout avec l'État, même devant les tribunaux sénégalais, devant les instances de la CEDEAO. Parce que si vous allez à la CEDEAO, vous verrez que la société civile sénégalaise est souvent allée à la CEDEAO, à l'Union africaine, devant la justice, avec l'État. C'est la même chose qui se passe sur le terrain, qui se passe sur les plateaux de télévision et un peu partout. Et nulle part, il n'y a pas un lieu où on n'a pas peur de la société civile, surtout quand elle est forte. Ici chez nous, la semaine passée, notre premier ministre a accusé les gens d'amnestie d'être des protecteurs des gays et des lesbiennes et autres. Mais c'était un coup vers la société civile. Parce que souvent, ce que la société civile dit ne les plaît pas. Et on voit aussi les gens de la société civile comme des empêcheurs de tourner en rond. Des gens qui ne cherchent qu'à dénoncer et qui ne cherchent que des choses à raconter pour les mettre à mal avec le peuple. C'est exactement la même chose chez vous. Maintenant, je suis d'accord que les contextes sont un peu différents. Parce que la manière dont nous avons la liberté de le faire, parce que nous nous fondons d'abord sur des textes légaux, assez démocratiques, parce que la conscience que nous avons nous permet certaines choses, les lois que nous avons, surtout électorales, nous le permettent. Parce que c'est des lois qui ont été négociées entre le pouvoir, l'État civil, l'opposition et la société civile. Dans un contexte où l'État était dos au mur et était un peu obligé d'accepter certaines choses. C'est pourquoi je dis pour moi, il serait important que Côte d'Itogo soit à la table de négociation. Parce que Côte d'Ivoire peut faire avancer les choses à la table de négociation. Côte d'Ivoire peut aller dans les idées au-delà des politiques. Parce que c'est en réalité ça. Et je le répète encore, dans l'état actuel du Togo et de ses textes, il faut éviter qu'un autre arrive au pouvoir et trouve les mêmes textes. Parce qu'il ne partira pas de si tôt. Les problèmes vont, les mêmes causes vont produire les mêmes effets et c'est exactement ça qu'il faut éviter. C'est un peu mon avis sur la question. Pour moi, la société civile doit s'organiser et au besoin sur certaines questions, se donner la main avec l'opposition pour se renforcer, mais surtout avec le peuple. Que le peuple soit à leur côté et que le peuple sente que ce qui se fait n'est fait que pour lui. Parce que si c'est ça, le peuple va adhérer. Et nous pensons qu'au finish, la victoire va arriver, la solution finale va arriver. Et que la solution soit la meilleure aussi pour le Togo. Et pour finir, quel conseil avez-vous à donner aux acteurs de la société civile togolaise pour que sa contribution soit déterminante pour l'aboutissement heureux de cette crise qui décime le vécu quotidien du peuple togolais? Conseil, c'est trop dire. Moi, je suis un peu petit pour conseiller la société civile togolaise parce que je vois à travers les messages WhatsApp, les mails, ce que je vois dans Internet, je vois la qualité des hommes qu'il y a dans la société civile togolaise. Vous avez des professeurs d'université, vous avez des gens d'un rang acceptable, des gens très expérimentés et qui ont fait leurs preuves même au plan international. Pour moi, ces gens-là peuvent conduire n'importe quelle lutte et arriver à des résultats. Le problème, c'est quoi? Et c'est, je sais aussi que c'est des gens qui ont assisté, qui étaient là pendant le temps que tous les 27 dialogues se déroulaient. Il faut tirer les leçons de l'histoire et pour bâtir un futur radieux. C'est un peu cela. Et deuxièmement, ça je ne cesse de le dire, avoir le peuple derrière. L'essentiel du travail doit être au niveau du peuple. Et je sens que sur ce plan, beaucoup de choses ont été faites, ont été réglées. Les choses sont bien en bonne voie. Parce que le peuple est en train d'adhérer. Je suis les marches, je suis tout. La violence ne réglera pas les choses. Et ça, ce sera important de le dire quand nous serons à un certain niveau dans le travail, dans nos collaborations. Il nous faut aussi dire à vos hommes de tenue, les militaires, tous ces gens-là qui interviennent dans la rue contre les manifestations, qu'ils n'ont pas le droit de tout faire. Parce que les droits de l'homme sont là. Et que la Cour pénale internationale tant redoutée, elle est là. Et si vous avez des cas d'exaction comme ça, partagez-les et on va essayer de documenter et de les poursuivre. Ces gens-là doivent savoir que tôt ou tard, ils ne pourront pas échapper. Ils doivent savoir qu'ils n'ont pas ils ont des hommes face à eux et que la dignité humaine exige certaines choses. Ils n'ont pas été armés pour retourner les armes contre leur peuple. Mais pour la protection de ce peuple, ça ils doivent le comprendre. Et au cas où ils agiraient autrement, je pense que les instances internationales sont là pour régler la question. Je ne citerai pas de cas, mais les cas commencent à être nombreux dans le monde et je sais qu'ils s'intéressent à l'histoire et à l'actualité internationale pour comprendre que tout ne peut plus être fait dans ce monde et ne pas être sanctionné. Parce que nous avons suivi les événements du Togo dans le passé, du temps de Père Eyadema. Ce qui a été fait pendant ce temps ne peut pas se répéter. Ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable. Et ça, qu'ils le sachent. De toute façon, sur ça, je pense que nous utiliserons nos réseaux, tout ce qu'il faut pour faire traduire ces auteurs d'exaction devant les juridictions. Et deux choses pèsent sur ces gens-là, deux menaces. Il y a d'abord la menace d'être traduit ailleurs devant un tribunal pénal international, mais il y a la menace que le pouvoir change demain et qu'un autre pouvoir s'installe et vous appelle à la barre pour vous expliquer sur les comportements que vous avez eus pendant que les Eyadema étaient au pouvoir. Je comprends maintenant qu'on m'a raconté que oui, le niveau est un peu bas avec vos militaires, c'est pourquoi c'est des gens qui sont capables de tout. Mais ils ne sont pas sourds, il faut leur parler, répéter-le et internationaliser la bataille. C'est important que le monde braque les projecteurs sur le Togo et voit ce qui s'y passe. Dites-le et on verra. La solution arrivera, moi j'en suis convaincu. En tout cas, j'ai bon espoir. Monsieur Sengan Senghor, je rappelle que vous êtes un des responsables de la RADO et je rappelle aussi que vous étiez au cœur des assises de la coalition de la diaspora pour l'alternance et la démocratie CODI Togo tenue à Dakar. Je vous remercie pour votre disponibilité et surtout, quand je revois un tout petit peu les conditions dans lesquelles nous avons eu à réaliser donc cette émission, merci beaucoup. Merci et bonne fin de soirée. Mesdames et messieurs, permettez avant de finir cette émission de vous proposer donc le discours de Monsieur Sengan Senghor. Discours prononcé donc à Dakar lors des travaux des assises de la coalition de la diaspora pour l'alternance et la démocratie. Nous sommes du côté des peuples. Nous travaillons à faire avancer la démocratie un peu partout en Afrique parce que la RADO a une vocation africaine. Et pour ceux qui ne le savent pas, la RADO dispose d'un observatoire au Togo. Ceux qui suivent l'actualité savent que les manifestations au Togo engendrent chaque jour des violations de droits de l'homme. Nous voulons que ça cesse. Et nous demandons aussi aux gens de consulter, s'ils le veulent, le protocole de la CEDEAO sur la bonne gouvernance et la démocratie. Ils se rendront compte que le Togo ne remplit plus les critères de ce protocole. Parce que l'alternance est une condition de la démocratie. Si tous les signes sont présents, alors qu'il n'y a jamais eu d'alternance, on ne peut pas parler de démocratie. Le dire, ce n'est pas être contre fort, mais c'est être du côté des Togolais. Et pour ça, nous le disons haut et fort. Nous soutenons le peuple togolais dans la lutte. C'est pourquoi nous avons accepté d'accueillir ces assises et de réfléchir ensemble avec eux pendant 3 jours pour trouver une solution à ce qui se passe au Togo. C'est un peu la mise au point que je voulais faire au nom de mon secrétaire général et du secrétariat général. Et depuis près d'un mois, nous travaillons à ces assises. Voilà, s'il n'y a pas de questions, je passe la parole à Yann Amar. Et je dois aussi le préciser, Amnesty devait être présent ici, mais pour des contraintes liées un peu à leur calendrier, ils sont absents. Mais ils doivent être demain ici parce que chacun de ces organisations doit présenter une communication. Donc demain, ils seront là et ils suivront les travaux avec nous. Nous n'avons pas une stratégie en poste parce que le Togo est un État avec son contexte, son histoire. Donc nous allons discuter ensemble avec la société civile sénégalaise, avec la diaspora pour trouver les solutions. Sur le protocole de la CEDEAO, je pense moi que la solution à ce niveau ne viendra pas des chefs d'État. Parce que qu'est-ce qui se passe au niveau des chefs d'État ? Voilà des gens qui sont démocratiquement élus, qui rencontrent tout le temps des gens qui ne sont pas démocratiquement élus, mais qui ne le soulèvent pas et chacun s'accommode de la situation. Et je vais vous dire, consultez le protocole. Le protocole dit, encourage, demande même des élections libres, transparentes, à même de favoriser la démocratie. Alors que dans le même temps, dans certains pays qui sont dans la CEDEAO, vous allez dans les constitutions, vous trouverez des élections à un tour et vous trouverez que les mandats ne sont pas limités. Comment dans ces conditions-là pouvons-nous arriver à l'alternance? C'est ces questions-là qu'il faut régler. Mais je le répète, la société civile est du côté des peuples. Et c'est aux peuples de prendre leurs responsabilités et de changer les situations. Et voilà, vous l'aurez compris, fidèles auditeurs et internautes, nous voici arrivés à la fin de ce numéro de votre émission La Voix du Peuple, réalisée donc par votre humble serviteur avec notre invité Sengan Senghor. Je rappelle qu'il est un des responsables de la RADO basée à Dakar au Sénégal. La RADO, c'est bien sûr la rencontre africaine des droits de l'homme. Merci donc à vous toutes et à vous tous qui nous avez suivis.